Tout de suite, sur France Culture, du lundi au vendredi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne à Bolivier. LSD passe à l'heure d'été. En canoë, en pédalo ou seul au boulot, en escalade pour la plage, tranquille dans la ville ou perdu dans la foule, 53 minutes de nouvelles écoutes choisies dans la série documentaire. Cette semaine, Parcours de réfugiés, une série de Raphaël Kraft réalisée par Guillaume Baldi. Au départ de cette série, il y a des destins qui basculent et des vies devenues folles. Il y a des gens, comme tout le monde, que l'adversité a jetés sur la route et cette certitude que ces choses arriveront toujours. Et enfin, cette question, qui sont ceux qui ouvrent vraiment leurs portes et donnent de leur temps ? Alors pour commencer, les personnages. Une enseignante à la retraite, 50 réfugiés venus de Calais, un maire, des bergers du Nevada, une ex-infirmière, une écrivaine, un apprenti charcutier, basque, français, américain, afghan, irakien, iranien, soudanais. Ensuite le décor, des cloches, une photo de famille, le skadi, le souvenir des réfugiés espagnols, une charcuterie, des banquets de fête, des danses, des langues régionales, une messe et une identité qui prend de la place. Aujourd'hui, troisième épisode, on est arrivé au Pays Basque. Madame, s'il vous plaît. Oui. L'église, elle sonne deux fois l'heure ou une fois? Là, elle vient de sonner, elle va ressonner les coups de 10h ou pas? À 10h30, tous les demi-heures. Tous les demi-heures, d'accord. Bah, tous les demi-heures, oui. Tous les demi-heures. À 10h30, 11h, 11h30, midi. Elle sonne combien de coups à 10h? À demi, juste à demi. Oui, mais alors, ça sonne quoi, un coup? Un coup. Un coup, d'accord. Et 10h, 10 coups. 11h, 11 coups. L'accueil au village, l'exemple de Saint-Étienne de Baïgorry. Un documentaire de Raphaël Kraft et Guillaume Baldi. Je m'appelle Sigor. Sigor. Sigor. Akisho, Sigor. Vous êtes du Pays Basque, c'est ça? Oui, oui. Qu'est-ce qu'on vient d'écouter là? On vient d'écouter des chants qui ont inondé ce pays, ou en tout cas des musiques qui ont inondé ce pays depuis très très longtemps. C'est très navarrais. Et très arabe en même temps. Et très arabe. Cité. Très arabe en même temps. Oui. L'instrument a une petite arabicité musicale, mais. Parce que la gaïta est arrivée avec la conquête de la péninsule arabique. Parce qu'ils l'ont rendu ibérique, ils l'ont rendu arabique. Mais, oui, oui. Ah oui, puis on va louper la photo. Oui, on va louper la photo de famille. Deux secondes. Bernadette Mousquès, enseignante à la retraite, conseillère municipale à Saint-Étienne de Baïgorry. Oui, voilà, j'ai 68 ans aujourd'hui. Ça tombe bien. Voilà, j'ai été enseignante, je habite Saint-Étienne de Baïgorry depuis l'année 73. Et donc je suis conseillère et adjointe depuis 2014. Octobre 2015. Jean-Daniel Elichéry est sollicité par les services de l'État pour organiser l'accueil de 50 réfugiés venus de Calais qui ont besoin de répit, qui ont notamment besoin de passer l'hiver au chaud, en tous les cas ailleurs que dans la jungle calaisienne. Ils sont 4000 à l'époque. Quand est-ce que vous, au conseil municipal de Saint-Étienne-de-Baïgorry, voire vous-même, quand est-ce que vous êtes sollicité? C'est parti de moi. Comme tout un chacun, comme beaucoup, j'ai été extrêmement choquée des images qui nous venaient de Calais, de ces plages avec ce petit enfant, Mylan, qui était sur la plage. Et de façon concomitante, si vous voulez, en m'intéressant au sujet, en lisant, j'avais lu que pour résoudre ce problème des migrants, de ce désengorgement de Calais, les VVF de France avaient mis 89 établissements à disposition pour accueillir ces migrants pendant l'hiver. Et je me suis souvenue qu'en 93, au moment de la guerre des Balkans, on avait accueilli des Bosniaques. Alors, je savais qu'ils étaient nombreux. Je me souvenais plus trop, c'était en 93, du nombre ni de la durée. J'étais allée voir les archives du bulletin municipal, ils étaient 190. Et on les a accueillis on les a logés au VVF pendant 11 mois. De fin janvier 93 jusqu'à décembre 93. Alors, ce choc des images, plus ce que j'ai lu des VVF qui m'étaient à disposition, plus ce dont je me souvenais, m'a fait interpeller la directrice des VVF pour savoir si le VVF, qui est de Garassi et Baïgorry, Garassi c'est Saint-Jean-Pied-de-Port, avait été sollicité. Et elle m'a dit, je crois que la mairie de Saint-Jean-Pied-de-Port a reçu une demande, et je lui ai dit, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Et elle me dit, je crois qu'ils n'ont pas répondu. Et je lui ai dit, écoutez, moi je vais poser la question, je m'en occupe, je vais voir. Et j'ai pas par un effet que je ne m'explique pas, ça s'est su très vite au niveau de la préfecture, qui à 48 heures après a téléphoné à la mairie pour savoir si vraiment, moi j'en avais parlé au maire, hein. Je lui avais dit, ça s'est fait, on a accueilli des Bosniaques, on devrait pouvoir mettre le VVF, il sert à rien en hiver, bon, et il était partant, hein. Je lui avais dit à Jean-Michel c'est le maire, je lui ai dit écoutez, il y avait une séance de conseil municipal dans la semaine qui suivait, je lui ai dit en question diverse on la met cette question et puis on va faire voter les 19 élus. Alors je suis Jean-Michel Coscarat, donc maire depuis maintenant 3 ans, un petit peu plus, donc j'ai 59 ans. Alors d'abord, Bernadette Mousquès, donc une adjointe, me fait part donc de la possible venue de ces gens-là. Et elle m'en parle juste avant un conseil municipal. Elle me dit je vais soumettre l'idée d'éventuellement de les pouvoir les accueillir. C'est dans cette pièce que se passe ce conseil municipal d'octobre 2015. Absolument, oui, c'est ici que se passe le conseil municipal. Donc évidemment, on a défini d'abord l'ordre du jour, mais on avait décidé, en question diverse, de parler en tout cas de ce dossier-là. Et le conseil municipal, dans sa totalité, a approuvé la chose. Nous sommes 15 de notre équipe et 4 de l'opposition, mais il n'y a eu absolument aucune objection de la part de qui que ce soit. Alors je vois pas pour quelle raison on aurait pu imaginer que ça puisse se passer autrement, même si les événements de Paris avec le Bataclan et les attentats, ça pouvait peut-être susciter quelques frayeurs, mais on n'y a pas pensé. Même si la suite dira qu'on a quand même reçu quelques courriers, quelques mails et quelques appels téléphoniques, ce qui nous a valu la préparation d'une lettre pour informer la population. Ça vous intéresse la lettre, oui? Vous allez voir. Oui, c'est un document. C'est un document, oui. Je vais vous la trouver. Attends que la machine chauffe, mais... Je pense que c'était pas... Voilà, ça y est. C'est parce que c'était un document Word et... Voilà. Alors, cher Baïgorriard, vous avez appris par la presse ou par d'autres canaux l'arrivée de migrants au VVF de Baïgorry. C'est ainsi que les personnes qui arriveront à Baïgorry et dont on ne connaît pas le nombre exact, maximum 50, ont choisi de s'éloigner de Calais afin qu'elles puissent bénéficier d'une période de répit au cours de laquelle les travailleurs sociaux pourront étudier au cas par cas la situation de chacun. Les attentats si terribles qui ont eu lieu à Paris le week-end dernier ont pu susciter des craintes et je le comprends. Je voudrais cependant vous demander de ne pas créer d'amalgame entre des problèmes difficiles à résoudre mais qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Après tout, on peut se rappeler que beaucoup de Basques ont aussi été les migrants des Américains, que nous avons accueilli dans notre histoire des migrants italiens, polonais, bosniaques et plus près de nous, espagnols, fuyant la guerre civile. Enfin, je souhaiterais que pendant leur séjour, vous montriez combien les Basques savent compatir au malheur en leur réservant le meilleur accueil. Jean-Michel Coscarat, maire de Saint-Étienne de Baïgoury. Alors, je suis Antion Curuchery, habitant de Baïgoury, Saint-Étienne de Baïgoury, 39 ans, prof d'histoire-géographie sur Bayonne. Donc là, on est attablé devant le village vacances de Baïgoury, le VVF de Baïgoury. Il y a des gens ici qui étaient très hostiles, par principe, par xénophobie, à l'arrivée des migrants. Et quand ils les ont vus, quand ils ont vu ces jeunes gars, parce qu'il n'y avait que des garçons, ces jeunes gars qui passaient dans la rue, qui écoutaient de la musique, qui les saluaient, parce qu'ils étaient très polis, qui les saluaient, et dès qu'ils ont appris à saluer en basque, qui les saluaient en basque, tout tombe. Et ces gens-là, d'une posture où ils étaient sur la défensive et le refus, ils sont passés à dire « Ah, mais c'est des jeunes gens très polis, etc. Et » Donc, je ne sais pas comment dire, c'est une xénophobie naturelle, entre guillemets, ou instinctive. Celle-là, on peut la faire tomber, on peut la faire tomber chez beaucoup de gens. Par contre, le racisme idéologique, celui-là, il ne bouge pas. Il ne bouge pas, celui-là. Et les racistes qu'on a dans le village, ils sont restés racistes, ils ne bougeront pas, ceux-là. Mais il y en a beaucoup. Il y a un couple ici qui est monté au VVF dans les premiers jours, très en colère, pour dire à la directrice qu'ils pensaient de l'accueil des réfugiés. Quand ils ont vu ces jeunes-là, avec un qui faisait tomber, enfin bon, je ne sais plus ce qu'il a fait tomber. Il a fait tomber toutes ses affaires et on le voyait jurer, râler. Enfin, ils ont vu un garçon comme les nôtres ici. Et ils ont été, c'est peu de choses, hein, mais ils ont été touchés de voir ces jeunes qui avaient rien, pas d'habits. Ils sont redescendus chez eux, ils ont rempli deux cartons d'habits, ils sont remontés. Donc ils étaient venus pour gueuler, puis finalement ils sont redescendus, ils sont remontés avec des habits pour les aider. Donc je pense qu'on peut faire tomber en faisant connaissance, quoi. Une fois qu'on connaît les gens, que c'est plus les migrants, le flot de migrants, que c'est les 47 de Baïgoury, ben, c'est plus facile à faire tomber les peurs. Et franchement, la peur, ici, on n'a pas eu. On n'a pas eu la peur. De rien. Est-ce que tu sais le basque? Où est-ce qu'on se trouve, là, Antion? Alors là, on est dans la salle Bilecia. C'est une des salles de répétition pour l'association de danse, mais c'est notre salle de cinéma aussi. Et donc là, on assiste à la répétition générale du groupe de danse de Baïgoury. Ils arrivent dans un petit village de 1600 habitants, pas tout à fait, un peu perdu quand même au fin fond du Pays Basque, à quelques kilomètres de la frontière espagnole. Je suis pas persuadé qu'ils se doutaient de l'accueil qu'ils auraient, mais ni de l'endroit où ils arrivaient. Edu den orzialian ikusgarria hemen bedian eginen baitugu, hor, gaur errepikatzen dugu, edu den orzialian bagine bezala, gauza berbera, ados? Voilà. Orduan, Jean-Daniel Elichiri, directeur général de l'association Aterbea à Brie-en-Basque. Quand ils sont partis de Calais, ils savaient pas où ils allaient, enfin ils connaissaient pas. Et on leur avait dit, ce sera Saint-Étienne-Baïgoury. Pour autant, Saint-Étienne-Baïgoury, c'est un nom... Ils n'imaginaient pas du tout quel pouvait être le contexte. Et d'ailleurs, quand ils sont arrivés, on en attendait 50, et ils sont arrivés, ils étaient 7 ou 8 dans le bus. Nous, on était 40. Et quand ils sont arrivés, c'était quasiment à l'année d'honneur. Il y avait aussi les gendarmes qui étaient là, les gendarmes voisins, enfin... Et donc, la consigne qu'on a passée, on a dit, bon, on va essayer de se faire discret, parce que on va un peu peut-être les effrayer. Alors, c'est ce qui s'est passé. Quand ils sont descendus du bus, ils sont descendus avec les portables à la main. Et je voyais qu'ils étaient en train, en fait, de nous filmer. Et c'était, en réalité, les éclaireurs de ceux qui, suite à ce que leur ont dit les 7 premiers, sont arrivés les 40 autres dès le lendemain. Et les 7 premiers, donc à 3h du matin, nous on avait préparé en plus de quoi manger, etc. Et puis là, pendant une heure, impossible de leur faire avaler la moindre chose. Ils étaient totalement méfiants. Et donc petit à petit, et finalement ils se sont mis à manger, je crois, vers 4h du matin. Et la nuit était longue, hein, pour nous notamment. Ça Jean-Pierre Macias, habitant de Saint-Étienne de Baïgorry, universitaire. Alors c'est un village qui est, à mon sens, très particulier. Il est très particulier d'abord parce que c'est l'archétype du village basque de Basse-Navarre, où le chouara est une langue très présente, où la culture basque est extrêmement présente, où les traditions basques sont extrêmement présentes. C'est un village qui a été marqué aussi très fortement par les tensions des années 80. C'est le village où est né le groupe Iparretarrak, donc un groupe armé qui était un peu le pendant de TEA au Pays Basque Nord. C'est un village qui a été marqué non seulement par cet épisode de création, mais par cet épisode de violence. Il y a eu un certain nombre de personnes du village ou dans le village qui ont été tuées au moment de ces affrontements. Un certain nombre d'habitants du village ont purgé des peines de prison extrêmement longues. Et je dirais, le village, alors je ne l'ai pas vécu directement, mais pour avoir travaillé cette question, le village a été vraiment séparé en deux. On était un peu dans un processus à l'irlandaise avec deux parties du village, en tout cas des habitants qui ne se parlaient pas ou qui ne se parlaient pas beaucoup. Et ce clivage entre eux, hérité de la violence, a longtemps subsisté psychologiquement. Il est aujourd'hui évidemment à s'atténuer très fortement avec la réduction de la violence. Mais c'est un village qui est, de ce point de vue-là, extrêmement particulier. Et peut-être une dernière particularité de ce village, c'est que beaucoup de ses habitants, comme beaucoup de gens au Pays Basque, mais peut-être encore plus ici, dans le village et dans toute la vallée qui va jusqu'aux Aldudes et à Banca, était marqué par l'immigration basque aux États-Unis, notamment au XIXe siècle. Vous avez ici beaucoup de familles dont les gens sont nés aux États-Unis et parle parfaitement l'anglais à côté de le chouala et du français. Donc tout ça fait un village assez atypique et assez archétypique, je dirais, de ce que peut être un village aujourd'hui au Pays Basque. Marqué par l'immigration, mais je dirais presque dans les deux sens. C'est-à-dire que, grosso modo, les gens qui aujourd'hui vivent à Baïgorry me paraissent être à la fois les héritiers de gens qui sont partis et qui ont dû connaître, qui ont connu une immigration forcée au moins pour des raisons économiques. Hein. Les Basques ne sont pas partis par gaieté de cœur aux États-Unis. Des bergers. Des bergers principalement, oui, tout à fait. Et puis le village a été aussi marqué par une autre vague d'immigration, peut-être moins directement dans le village, mais qui culturellement est importante, c'est toute l'immigration des réfugiés qui sont partis d'Espagne à cause du franquisme et qui sont venus se réfugier au Pays Basque français, notamment à Bayonne, mais pas uniquement, et ça a été notamment dans les années 80, 70-80, une campagne très importante d'accueil des réfugiés basques, de soutien des réfugiés basques. Et puis le village a été aussi marqué par un autre événement qui est un peu à la croisée de ces deux notions, c'est le GAL. Dans les années 80, l'Espagne a envoyé des paramilitaires exécuter des réfugiés politiques basques en France, une petite trentaine de personnes qui ont été tuées, et là encore, la communauté des réfugiés a été marqué par cette menace permanente que représentaient les paramilitaires du GAL, et je crois qu'il y a eu un attentat qui s'est commis pas très loin de Saint-Étienne de Baïgorry. Donc voilà, ce village, il a été un peu, dans les 50 dernières années ou dans les 100 dernières années, marqué par ces deux phénomènes et par cette espèce de dualité de l'immigration. À la fois, on est obligé de partir, et donc on sait ce que veut dire partir pour des raisons économiques, et puis pour la possibilité de soutenir des gens qui ont été obligés de quitter leur pays pour des raisons politiques. D'ailleurs, les Basques à Baïgorry ont toujours aussi entretenu avec la frontière une relation, au fond, somme toute, assez ambiguë, puisqu'il y a le Pays Basque ici est marqué par une double culture des contrebandiers, puis ensuite des nationalistes qui refusent la notion de frontière et considèrent qu'au fond, ici et là-bas, c'est le même pays, c'est Euskal Herria, et donc que la frontière est un phénomène, au fond, perturbateur. Asken Dansa Ao, cette dernière danse, qui raconte la dernière danse avec sa bien-aimée de celui qui part. Yvonne, habitante de Saint-Étienne de Baïgorry. J'ai 67 ans. Je suis née aux États-Unis. et des parents de, issus de Saint-Étienne de Baïgorry qui avaient immigré aux États-Unis. Et je suis ici depuis 1965. Alors je suis retournée qu'une fois en vacances comme j'avais un frère aîné là-bas. Et depuis je suis ici. Mais c'est d'abord mon père qui est parti en, je crois, en 1937, je crois, ou non, peut-être avant. Oui, parce qu'il avait besoin de grandes terres, il voulait partir. Donc, il part au Nevada, il part berger. Et depuis, on était resté là jusqu'à 1962. On est venu ici, on est resté un an. Et comme mon père ne s'y plaisait pas, il avait la nostalgie des États-Unis, on est reparti. On a tout recommencé à zéro. Et après, on est revenu de nouveau définitivement en 1965 à cause de la guerre de Vietnam. Et comme il ne voulait pas que mon frère, qui avait 18 ans, y aille, donc on est tous revenus. Alors cette vallée ici a particulièrement été touchée par l'émigration vers les États-Unis. Vous êtes... Oui, beaucoup, parce que c'était des familles très nombreuses. Et l'aîné restait à la maison et les autres devaient bien partir quelque part. Voilà. Donc certains partaient à Paris, dans les grandes villes ou aux États-Unis, surtout les hommes partaient aux États-Unis. Vos parents, votre père, vous avez déjà sensibilisé à la culture basque? Oui, il nous parlait de, d'ici, des danses basques, de la culture, de la langue. Oui, mais ma première langue, c'était le basque. Oui, oui, oui. Vous parliez basque, français et anglais à la maison? Mais là-bas, basque, et puis après anglais, j'ai appris le français ici. Mmh. Et mes parents, quand ils avaient des choses à dire entre eux, c'était en français qu'on ne comprenait pas. Et après ici, le français. Mmh. Alors, en octobre 2015, il y a 50 migrants de Calais qui arrivent ici, et vous vous impliquez dans leur accueil? Oui, on m'avait demandé si ça m'intéressait, vu que je parlais anglais. Alors j'ai dit oui, j'étais contente parce que je suis toujours sensible à ce sujet. On commençait à leur apprendre un peu le français, ils posaient des questions, comme on dit ça. Et, oui. Et après, petit à petit, ils parlaient de leur histoire. Et puis ils nous montraient des images terribles qu'ils avaient sur leur portable et ils se confiaient. Souvent le week-end, vous en accueillez ici? Oui, parce qu'on a toujours tenu contact avec ceux qui sont partis. Et quand ils viennent, oui, j'ai une grande maison, mes enfants sont partis, et je suis très contente de les recevoir de temps en temps. Ou bien s'ils viennent, ils passent toujours me voir. C'est le comble du comble, parce que Bassir, qui est afghan, qui est respectueux de l'islam, mm-hmm. qui fait donc le ramadan et le vendredi, c'est important, ouais. il est à domicile chez le charcutier du village. c'est génial, ça fait tomber et d'un côté et de l'autre. Oui, et puis il y a du... C'est quand même marqué, conserve, jambon du pays, etc. Il vit là, il vit au-dessus, Bassir. Adieu, Madeleine. Oui. Bonjour, messieurs. Ça va? Bonjour, toi. On est venu en famille, il manque la maman. Très bien, t'as bien fait. Ça va? Oui. Adieu, bonjour, messieurs. Bonjour, Madeleine. Allez-y, montez. Bonjour, mon fils. Je m'appelle Chinoise. Bonjour, monsieur. Bazir, ça va? Enchanté. et la bénévole avec nous. Bah, voilà, et il y aura une autre bénévole qui va venir tout à l'heure. Et chez nous, c'est des petits... Regardez, il faut baisser à quatre pattes. C'est comme chez les troglodytes. Momad, attends, on va se mettre dans mon bureau si vous voulez, parce que Momad, il va travailler là. Tu veux une poêle? Oui, oui. Tu sais où c'est? Ou tu demandes à Bazir après aussi? Madeleine Petricorena, citoyenne de Baïgorry. Oui, je peux pas en dire plus, c'est bien. Mon mari est de Baïgorry, je me suis mariée à Baïgorry, je suis là depuis bientôt 50 ans. Ah oui, donc voilà. Donc vous n'êtes pas une enfant du pays? Je suis pas une enfant du pays, je suis une pièce rapportée, mais je me suis bien adaptée parce que les Basques, comme vous le savez, sont des gens très accueillants. Et puis bon, j'avais un métier qui me permettait aussi de rencontrer beaucoup de monde. J'étais infirmière libérale. Donc la montagne et tout ça, mon mari a l'habitude de dire que je connais les maisons et les coins de montagne mieux que lui quelquefois. Ce qui est quelquefois vrai, pas toujours. Alors vous nous recevez ici, chez vous, dans une massive et très belle maison basque, et c'est une atmosphère de fête. Oui, surtout aujourd'hui, parce que aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'ici, les jeunes que nous avons accueillis il y a un an à Baïgorry aiment bien revenir sur Baïgorry. Et donc, ils viennent souvent à tour de rôle les uns ou les autres. Il y a Bazir qui est beaucoup plus souvent chez nous parce que là, il y a eu une empathie entre lui, mon mari, moi et même ma fille qui l'appelle son petit frère. Et donc, il fait qu'il est très, très, très souvent chez nous. D'aucuns ici disent qu'il est votre fils aussi. Oui, mais c'est ça. On le considère comme tel. Puis vraiment, on le considère comme tel. C'est vraiment quelque chose qui s'est passé, un lien qui s'est créé. Voilà, comment on s'est rencontrés, comme ça. Voilà, dans Baïgorry, on s'est connus, il est venu. Si, c'est drôle, la rencontre quand même, parce que je montais comme bénévole au VVF quand il y avait les migrants. Et un jour, ces jeunes étaient partis faire une randonnée. Et ce jour-là, à table, il y avait du poulet. Alors, ces jeunes, ils aiment beaucoup le poulet, mais quand ils sont arrivés en retard au repas, il n'y avait plus de poulet. Et alors, ils étaient déçus. Ils nous ont raconté l'après-midi, pendant la petite visite des bénévoles. Bah oui, mais nous, on n'a pas eu de poulet à midi. Oh, je dis, vous voulez un poulet? Bon, le lendemain, je suis montée avec un poulet. Et voilà, la rencontre s'est faite comme ça, à cause d'un poulet. Aujourd'hui, manger afghan. Aujourd'hui. Non, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est Laurent qui l'a passé. Voilà. Aujourd'hui, vous mangez de spécial de riz afghan. C'est Laurent qui avait annoncé la pendule d'un quart d'heure. Parce qu'il avait faim. Mais non, ils ont bu, ils ont vérifié sur le téléphone. Et là, maintenant, c'est 46 hein, ce soir, c'est ça? 45 aujourd'hui. Demain, ce sera 9h46. C'est ça, Bazir? Ça augmente d'une minute, une minute par jour. Voilà. Et alors, pour ceux qui ne mangent pas de... C'est vrai, les autres aussi. Hein, mais... Parce qu'il y a la rupture du jeûne et puis les Érythréens font le carême, c'est ça? C'est ça. Installez-vous, s'il vous plaît. À quelle heure vous devez faire la prière? Non, 45 minutes. Non, mais la prière, c'est après manger la prière? Non, pendant. My name is Mohamed. Je m'appelle Mohamed. Je viens d'Afghanistan. Je suis arrivé en France en 2015. Et je suis content d'être ici. Quand j'ai entendu parler de Saint-Étienne de Baïgorry, j'étais un peu inquiet. J'ai regardé la carte pour constater que c'était un tout petit village perdu à la frontière espagnole. J'avais peur. Comment allaient être les gens là-bas? Quelle serait notre situation? C'était difficile. Et puis nous avons pris le bus pour un voyage de 15 à 20 heures. C'était la nuit. Je n'ai rien vu lorsque nous sommes arrivés. Et le matin, j'ai vu ce petit village et à nouveau j'étais inquiet. Qu'est-ce qu'on allait faire ici? Et puis après j'ai parlé aux gens et au bout de quelques jours, je me suis mis à aimer ce village et ses habitants. Vous êtes arrivé dans le premier bus avec les 7 réfugiés ou dans le deuxième bus? Je suis arrivé dans le deuxième bus. Il y avait des gens de différentes nationalités, de différents pays, des Irakiens, des Iraniens, des Soudanais. J'ai parlé avec eux pendant le voyage. Tout le monde était inquiet. Ils voulaient demander l'asile, mais ils ne savaient pas où ils allaient. Ils se demandaient s'ils allaient arriver dans une ville avec toutes ces facilités. Ils étaient prêts à retourner à Calais en cas de déception. Parce que tous voulaient aller dans une grande ville, et pas dans un village comme celui-là. Pourquoi vous vouliez aller dans une grande ville et pas un petit village ? Si tu vas dans une grande ville, tout est plus facile, notamment avec les services sociaux. Tout va plus vite, alors que dans un petit village, tout est plus lent. Mais étiez-vous surpris par la chaleur de l'accueil ici ? Oui, bien sûr. J'étais surpris par le bon accueil, leur bienveillance. C'était très agréable. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 3 mois à Saint-Étienne de Baïgorry? Pendant 3 mois, j'ai rencontré des gens qui m'ont aidé pour les démarches de ma demande d'asile. Je suis allé à l'école. Le soir, des gens du village venaient nous donner des cours de conversation. Et puis, je me suis promené dans la montagne. Je suis allé voir la mer. C'était que du plaisir. Je pense personnellement que les Afghans ressemblent beaucoup aux Basques et vice-versa. Vous êtes d'accord avec moi ? Yes. Oui. Quand je vois leur culture, je me dis qu'elle est proche de la nôtre, en Afghanistan. Leur danse, leur costume de danse. Et leur tradition d'accueil aussi. Et ils sont aidants. C'est probablement la chose la plus importante. Quand ils sont arrivés, ils ont compris qu'ils étaient, qu'ils étaient dans un endroit assez particulier. C'est pas la France à laquelle on peut penser. Alors, moi, personnellement, je me sens pas en France ici, mais bon, c'est pas ça la question. Mais ici, ils se sont bien rendu compte qu'il y avait une culture qui était totalement différente, que les gens y parlaient une langue que personne qui savait le français ne comprenait, puisqu'on parle beaucoup en basque. Baïgorry, c'est quand même un village qui est assez bascophone. Que les danses ou les chants ou la musique qu'ils pouvaient entendre étaient d'une autre musique que ce qu'on entend habituellement. Et donc, eux aussi, venus de territoires ou de pays... avec leur propre culture, etc. C'est là, je pense, qu'on se rend compte qu'il y a des identités qui peuvent être partagées, quoi, l'une avec l'autre. Je pense que certains ont senti l'intérêt qu'on avait, on s'intéressait à d'où ils venaient. Ici, c'est une question qu'on pose, que les gens ils posent très souvent d'abord. D'où tu viens ? Même, c'est de quelle maison dans le village ? Mais alors là, c'est pareil. On était intéressés par qui ils étaient, par d'où ils venaient. Donc, à leur forger, enfin, à avoir un profil, une identité, quoi. Au début, c'était des migrants, le groupe. Puis après, chacun, on savait, Basir, il est afghan. Chacun avait son prénom, on sait d'où il venait. Certains racontaient plus ou moins leur histoire. Mais bon, c'est pas forcément ce qu'on leur demandait. Mais on avait besoin de savoir dans quel contexte ils évoluaient. Et donc, ils nous ont expliqué les langues qu'ils parlaient. Puis ils sont impressionnants parce que, voilà, il y en a un qui parle 4 langues. Il parle le farsi, il parle... l'hindi, le farsi, le turc, l'anglais, il se débrouille, et le dari peut-être, sa langue afghane, voilà. Et donc, ici nous on est très majoritairement bilingues, beaucoup sont trilingues, puisqu'on parle le français et le basque, et certains, beaucoup parlent l'espagnol, et donc il y a ces profils qui se ressemblent un petit peu, quoi. Voilà. Ce qu'on a bien aimé, c'est qu'on voulait leur montrer aussi... qui on était, et donc par exemple, juste avant qu'ils partent, on a fait une grande fête interculturelle où on voulait les mettre dans notre ambiance de fête, donc avec nos instruments de musique, le chichtou, la gaïta, la chiroula, ce sont nos instruments ici traditionnels, et nos danses traditionnelles aussi. Donc on a mis nos jeunes de l'association en costume qui ont dansé, et donc eux, ça les a incités à faire la même chose. Et donc, eux se sont mis à chanter, à danser aussi. Et donc, la mondialisation aidant, les téléphones portables nous ont permis de tomber sur des musiques traditionnelles soudanaises, érythréennes. Donc, on les a mises dans la salle à tech, à fond, et on a dansé sur leur... Et donc, il y avait cet échange culturel qui était assez extraordinaire. Moi, je pense que, au début... La crainte qu'ils devaient avoir, c'est on est différent, est-ce qu'on va être accepté parce qu'on est porteur de plein de choses différentes. Et quand ils ont vu que, en fait, on était intéressé de savoir ce qu'ils portaient en eux, ben ils se sont exprimés, quoi, eux aussi, ils se sont exprimés. Je sais que si on est bien dans nos baskets par rapport à notre identité, et je pense que c'est le cas de plus en plus de gens ici, ça veut dire que notre identité basque, notre langue, notre culture, on les sait menacer, mais on les porte en nous, et c'est pas un mur, c'est nous, c'est juste nous. Et quand ça, on l'a assimilé, quand on n'est pas en défense, sur la défensive, et pourtant on aurait des raisons d'être sur la défensive, parce que, par exemple, la langue basque, elle n'a aucun statut aujourd'hui. La France ne reconnaît qu'une seule langue, et les autres, elles ont qu'à se débrouiller comme elles peuvent. On les aide si on crie un peu plus fort, voilà, si on nous marche un peu trop sur les pieds, là, on crie. Et là, on fait attention à nous. Mais malgré tout ça, malgré l'absence, la précarité de notre culture, de notre langue, si on la vit bien... Eh ben les gens en face, ils se rendent compte qu'on est bien. Moi, c'est ce que je pense. Après, je sais pas si tout le monde le partage, mais les gens, ils se rendent compte qu'on vit bien. Et eux, ils ont tendance à s'exprimer aussi tels qu'ils sont, avec leur identité. Et c'est là que vraiment le partage est bénéfique, quoi. N'importe quelle occasion ici, à partir du mois d'avril, on s'habille, on se met en costume et on danse dans la rue. Et voilà, moi j'ai bientôt 40 ans, mais mon père en a 73. Et on continue à danser sur la place pour les fêtes du village ou les grands moments festifs de l'année. Marie Cosnet, écrivaine, auteure de Jours de répit à Baïgorry. La leçon de cette histoire, c'est peut-être que... Bon, elle est universelle, mais c'est peut-être que... Les gens se font davantage plaisir à recevoir qu'ils ne l'auraient à être reçus. Je suis sûre de ça. Je suis sûre qu'on se fait... Je suis sûre que ça... bouscule, évidemment, comme me l'avait dit Antion au tout début, évidemment ça bouscule le quotidien, et c'est pas facile que le quotidien soit bousculé, c'est pas simple de recevoir, on peut pas dire ça, et c'est pourtant ce qui guérit, ce qui fait qu'on se fait du bien, c'est le faire quand même, même si ça nous bouscule, même si ça nous... Il y a des mots qui ont des vies affreusement publiques et publicitaires, le mot laïcité par exemple, mais le mot ferveur, lui, a une vie très secrète. Oui, j'avais été tellement étonnée d'entendre ce mot à Baïgorry lors d'une réunion avec c'était pas le préfet, mais c'était le sous-préfet, je crois, et puis le monsieur de l'OF2I. Et voilà, on ne s'attendait pas à ce que c'est Jean Daniel qui a dit dans cette histoire, tout le monde a travaillé avec ferveur. J'étais en train de donner le cours de français à côté, enfin, cours de français, de conversation, etc. Et j'ai dressé l'oreille, enfin, ça m'a... Parce que tout le monde disait, ah oui. Même l'hôpital, même la préfecture, même les administrations, tout ça. J'ai dit ferveur. Donc, si on resitue, on est après... novembre 2015, etc. Ça m'a beaucoup frappé et touché. Cette histoire survient dans un contexte où la France accueille mal. Et pourquoi ça se passe bien à Baïgorry ? Qu'est-ce qui se passe ? Le groupe possède quelque chose, en fait. un groupe qui a alors, bon, si on dit tradition, on va sembler, mais pourtant, c'est un groupe qui possède des traditions dont ils font quelque chose de neuf et de nouveau, c'est pas du tout figé dans le temps. Mais je dis ça pourquoi ? Parce que même si je vis ici, moi je suis pas basque, je suis pas des parents basques, c'est une culture acquise, en tout cas j'espère, en tout cas en cours d'acquisition et toujours à découvrir. Mais c'est pas une culture dont j'ai hérité moi, comme ça. Il y a cette fausse idée que, en effet, il y a un soupçon sur le fait que on puisse revendiquer l'indépendance depuis si longtemps. C'est quand même nationaliste. Tout ce qui est nationaliste, tu sais, moi je me méfie, etc. Combien de fois j'ai entendu ça ? Et aujourd'hui, moi, il me semble que je peux répondre à ça. C'est pas du tout une honte d'avoir une identité, en réalité, parce que c'est toujours pour s'y déplacer, pour se déplacer à l'intérieur et pour l'interroger, en fait. Et ça, je trouve que c'est une autre manière de voir les choses, le Pays Basque et puis le mouvement Abertzale. Et quand la fête s'est passée à Baïgorri, la fête au village, c'était la fête du départ, c'était incroyable de voir comment chaque groupe, les Afghans, les Iraniens, les Kurdes, les Basques, avaient quelque chose à montrer. Bon, dans la cuisine, c'est évident, mais aussi dans les danses et dans les chants. Et tout le monde avait quelque chose à la même hauteur, en fait. Et quand je dis tout le monde, pour le groupe accueillant, c'est-à-dire le groupe des hôtes basques, c'était les personnes âgées, les personnes moins âgées, les adolescents et les enfants qui avaient cette même chose en commun. Et moi, il me semble que ça fait une sorte de culture avec une forme de verticalité, de grands-parents à petits-enfants, etc., qui permettait l'ouverture à l'autre dans quelque chose de plus horizontal et ouvert. Ça, vraiment, c'est la question que je me posais quand j'ai participé à cette journée, qui était une journée mais d'une émotion incroyable pour moi. C'était, mais moi, je serais en Afghanistan, là. Qu'est-ce que je partagerais quelle culture je pourrais... De quelle culture je pourrais... sur laquelle je pourrais m'appuyer et que je pourrais offrir aussi immédiatement. C'est pas sûr. Je crois que c'est le quotidien Sud-Ouest, mais corrigez-moi, qui dit, donc mi-février, Baïgorri pleure ses migrants qui sont partis. Oui. Bernadette Mousquès. Oui, il y avait de ça. Il y avait de ça. Ça a été très émouvant. On a organisé une fête culturelle, interculturelle, le 31 janvier. Ça s'est mis en place, ça aussi, très vite, avec plein de gens. Ça a été une fête extraordinaire qui a attiré quelque chose comme 500 ou 600 personnes de partout, hein, qui sont venues voir cette fête. Et effectivement, c'était émouvant. Donc, effectivement, quand ils sont partis, ça fait un grand vide. On était contents à la fois d'avoir mené cette action jusqu'au bout, sans encombre, hein, sans problème. Et parmi les bénévoles qui se sont révélés, disons que là aussi quelque part, c'est une satisfaction pour elles-mêmes, hein, s'y sont retrouvées, quoi. Hein. Ça a été un crève-cœur, quoi. Voilà. Moi, je savais qu'on allait les suivre, qu'on continue à les suivre. Il y en a encore 10. 10 qui sont sans solution, c'est-à-dire sans solution, ça veut dire qu'ils ont été déboutés du droit d'asile, donc ils font un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile, le CNDA, dont il faut attendre le verdict. Déjà, au niveau du pourcentage, si on peut parler en termes de pourcentage, j'aime pas beaucoup ça, mais d'acceptation du droit d'asile pour 10 ans, on est très au-dessus de la moyenne nationale, hein. Disons qu'il y en a 65%, alors que d'ordinaire c'est 25% pour ceux qui sont passés par Baïgorri. Oui. Je crois que cette expérience de Baïgorri qui a été connue quand même, qui s'est fait connaître, je ne sais pas comment ça se fait, moi je ne sais pas comment ça se fait, mais toujours est-il que le pourcentage il est au-delà de la moyenne nationale. Je Je ne sais pas, est-ce qu'on a été bien défendu par le préfet précédent, Durand, qui, c'est lui qui a mis en œuvre cette, et qui l'a transmis à M. Morvan, qui est actuellement préfet des Pyrénées-Atlantiques. Je ne sais pas. À l'OFPRA, on se fiche des avis du préfet. C'est un officier qui écoute un récit. Donc ça veut dire que ce récit, il a été peut-être sincère pour beaucoup. Construit dans de meilleures conditions. Peut-être. C'est pour ça que je salue le travail d'Aterbea. Il faut d'abord peut-être pas survaloriser l'expérience Baïgoriarde. Elle s'est bien passée à Baïgori. Peut-être serait pas aussi bien passée ailleurs. Et il peut y avoir aussi des raisons de hasard un peu et de nécessité. Enfin, c'est pas une loi scientifique qu'on va pouvoir déduire de cette expérience-là. Mais quand même, il me semble, moi, Jean-Pierre Massias, que justement la certitude de sa culture, la certitude de son identité rend possible l'accueil d'autres identités. Et que une communauté qui ne doute pas d'elle-même est plus à même et mieux à même de pouvoir s'ouvrir vers d'autres communautés fondamentalement différentes. Et c'est peut-être ça la leçon qu'on pourrait tirer. C'est-à-dire que personne n'a craint que l'identité basque de Baïgori soit remise en cause. Et donc nécessairement, et personne n'a eu peur globalement, à part quelques individus, mais je pense que c'était aussi des peurs un peu irrationnelles, mais personne n'a eu peur que le village devienne musulman, devienne apatride, etc., etc. Et donc cette certitude-là, cette confiance en son identité a certainement rendu possible les choses. Alors, on peut aussi ajouter aussi le fait que ici, les gens ne sont pas uniquement certains de leur identité, ils sont acteurs de leur identité. Ils font des choses. C'est peut-être, et ça, quand on parlait de la typicité de ce village, s'il y a peut-être une dernière caractéristique à mettre en évidence ici, c'est que c'est un village de militants. C'est un village de gens qui s'engagent. C'est un village de gens qui s'organisent. N'importe quelle fête organisée dans ce village suscite une adhésion extrêmement forte de la plupart des habitants. Il y a beaucoup de bénévoles. On est capable d'organiser la fête de la Navarre avec plusieurs dizaines de milliers de personnes qui viennent. Il y a une course de Schkaltrail qui mobilise quasiment tout le village. On le voit bien. Et donc, cette espèce de capacité des gens à pouvoir s'engager, à proposer, à être acteurs rend aussi sûrement l'accueil plus facile parce que, en étant acteur d'un phénomène, on le subit moins. Parce que, vu de l'extérieur, on a peut-être le sentiment que Le nationalisme basque s'enferme dans une insularité, dans un rejet de l'autre. La principale structure du nationalisme basque, c'est la langue. Et je crois qu'il ne faut pas confondre la volonté de conserver et de sauvegarder un héritage culturel spécifique autour d'une langue notamment, et la volonté de se fermer aux autres. Dans ce village-là, la plupart des gens sont bilingues, trilingues, voire quadrilingues, y compris chez les nationalistes. C'est ce qui fait un peu la différence. C'est une culture qui est à la fois extrêmement enracinée sur l'identité, sur la volonté parfois de créer un État basque indépendant, transfrontalier, hein, qui dépasse les frontières entre la France et l'Espagne, et en même temps de faire que ce pays basque-là, certains de sa culture et de son identité puissent s'ouvrir aux autres. Mais on est un peu presque sur le même modèle que ce qu'on évoquait sur Baïgori, c'est-à-dire l'idée que la certitude de son identité et la reconnaissance de son identité n'est pas considérée comme un phénomène d'exclusion, mais au contraire comme un phénomène qui permet l'altérité, parce que comme on est ce qu'on est, on peut aller voir les autres qui sont différents. Est-ce que, dans la mémoire du village, on pourra considérer que la venue de ces réfugiés marque la fin de cette époque de tension dans le village vers un esprit de synthèse et d'harmonie? Et je pense qu'effectivement, la venue des migrants a fait effectivement apparaître quelque chose de plus grand que le Pays Basque, ou a inscrit le Pays Basque dans une identité plus grande que la simple identité basque, puisque le monde est venu ici, a été accueilli ici. Et je dirais que l'avenue des migrants a eu cette autre qualité, c'est de permettre à tout le monde de travailler ensemble, de faire groupe, au-delà des anciens clivages qui pouvaient être opposés, et qui parfois, certainement, intellectuellement et philosophiquement opposent encore, les Abert Salé, aux non-Abert Salé, les gens de gauche, les gens de droite, les chrétiens, les non-chrétiens, etc., etc. Oui, ça a fait, de ce point de vue-là, ça a été une forme de symbole qui a transcendé ces clivages-là. Alors certainement que les choses auraient été beaucoup plus compliquées si le contexte politique n'avait pas évolué précédemment, mais ça a donné l'occasion à l'évolution de ce contexte politique de trouver sa pleine expression par une cause commune et par une cause qui permet à tout le monde de travailler ensemble. Thank you. Madeleine, oui. Oui. Beaucoup de ferveur. Hein. Ah ben j'espère, oui, bien sûr, beaucoup de ferveur. Bon, en plus, je vais vous dire, là aujourd'hui, c'était la neuvaine de l'enterrement de ma belle-sœur. Mmh. Bon, je ne suis pas une fidèle de la messe. Oui, vous bon, êtes protestante. Oui, voilà. Mais c'est vrai que ça, je voulais être là, absolument. Mais c'est comme ça tous les dimanches ici. On aime chanter. Le chant fait partie de notre acte de foi. Abbé Noblia. Alors, un terme qui revient souvent dans, oui. dans cet accueil des migrants qui est survenu donc voilà. En novembre. Alors là, vous avez, oui, des gens qui ont... Non, mais on les a déjà tous rencontrés, oui, voilà. On veut parler au padre maintenant. Ah ben non, non, maintenant, oui, oui. Oui mais, il y a un terme qui revient souvent, c'est justement la ferveur, lorsque ces jeunes étaient là. Ben oui, justement, c'est une caractéristique un peu de notre culture ici, c'est on est méfiant. Ça, c'est notre caractéristique, parce qu'on a tellement été maltraités qu'on est méfiant. Mais ensuite, il y a quand même du cœur. C'est un peuple qui a du cœur. On ouvre les grands yeux quand on entend de nos chers députés, etc., dire qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, ce qui est vrai. Mais on peut faire quand même ce qu'on a à faire. Alors vous parlez des députés, qui, mais l'évêque de Bayonne, Monseigneur Ayen, n'est pas forcément le... Donc là-dessus, il est resté plutôt discret. Voilà. Il est resté plutôt discret, même si dans des écrits et tout ça, il a mobilisé les gens. Mais lui, il était branché plutôt sur les... Parce qu'il a fait un voyage en Irak pour les chrétiens coptes, surtout les chrétiens d'Orient. Mais les musulmans. Le tout venant, quoi. Alors, nous, on accueille le tout venant. On ne demande pas si tu es musulman ou pas. Vous déplorez l'attitude de l'Église en France? Et un peu, oui. Ouais. Un peu, parce qu'ils auraient pu faire mieux. Y a-t-il un chant sur l'hospitalité? Il y a une salutation que l'on chante assez facilement pour accueillir les gens, leur dire, voilà, bienvenue. Allez-y. Mais non, je vais le chanter avec ceux qui sont là. Approchez-vous. Ils veulent chanter à Gourdiaouna, on va leur chanter. À Gourdiaouna, Diaouna. C'était l'accueil au village, l'exemple de Saint-Étienne de Baïgorry. Coordination Perrine Kervran, attachée d'émission Marivonne à Bolivier, mixage Pascal Bénard. Musiques originales enregistrées à Saint-Étienne de Baïgorry. Un documentaire pour LSD de Raphaël Kraft et Guillaume Baldi. LSD, la série documentaire à l'heure d'été, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, liens replay et podcast au Pays Basque, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. Et les pages, c'est Marivonne Abolivier, Mathias Méji et Annelise Signoret. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et sur Instagram, n'hésitez pas à nous laisser des messages. Demain, quatrième épisode, la liberté au prix du mensonge.